Ben, ils avaient un programme de surveillance pour le cinéma, pour la presse, pour tout type d'expression, sauf l'expression qui n'existait pas officiellement dans le pays, l'informatique et le jeu vidéo. Il n'y avait pas de machine, donc c'est pas vendu. Donc, en théorie, personne ne pouvait utiliser ces outils-là pour créer quoi que ce soit, un message anti-gouvernemental. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont importé illégalement la ZX Spectrum. Ils ont créé une culture hobbyiste de développement de jeux et ils se copiaient les jeux. C'était très facile à l'époque de copier les jeux. Les jeux, plusieurs jeux, et c'est ce que Yaroslav met de l'avant dans son ouvrage, plusieurs jeux avaient une valeur critique, dénonçaient la propagande du gouvernement. Et le gouvernement était complètement dupe de ça parce qu'il pensait qu'ils avaient réussi à stopper cette culture ludique de se déployer dans leur pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ce pays de l'ancien bloc soviétique, communiste, pardon, il y a le jeu vidéo est le morceau de culture le plus édifiant pour les gens qui se sont émancipés de ce système totalitaire-là. Et c'est pas rien, là. Je suis en train de dire que c'est pas le grand art, c'est pas un grand génie artistique dans des médias bien connus qui ont réussi à créer cette émancipation-là. C'est des jeunes hackers qui ont volé une technologie qui émerge dans un contexte militaire, qui a été employée par l'armée. Ben voilà, c'est un moment très édifiant de l'histoire du jeu vidéo, méconnu, mais qui maintenant, grâce à Yaroslav, est de plus en plus connu. Et Yaroslav a été plus loin. Actuellement, il a recréé certains des jeux pour les rendre accessibles sur les plateformes modernes. Et donc, dans les musées tchèques, pour des générations à venir, comme moment de bravoure, de résistance face à l'aberration et au contrôle totalitaire d'une culture militariste de facto, il y aura le jeu vidéo. Une couple de pistes que j'aimerais comme investiguer dans ce que tu dis, mais une affaire que peut-être une légère parenthèse, c'est quand tu dis que les traités qui ont été négociés dans les années 70, ça joue un tour, entre guillemets, parce que les montants payés par le gouvernement sont plus hauts que si ça avait été signé genre dans les années 1900. Ça me fait penser à quelque chose que tu as dit aussi dans une de tes conférences où les traités négociés, t'sais, pour les terres, t'sais, etc., c'est pour des peanuts, en fait. Puis y a personne vraiment, genre, qui est comme tout à fait d'accord avec ça. C'est pas quelque chose qui est comme, ah ouais, cool, hein, donnez-nous, genre, 3 piastres pour notre territoire. Puis c'est pas exactement comme ça que ça se Non, passe, ça. puis c'est intéressant que tu amènes ce point-là, parce que moi, j'en fais un certain cheval de bataille. Justement, on parlait tantôt de Montréal, territoire non cédé, autochtone, là, ce qu'on rajoute, ouais. Tu sais, la question du territoire non cédé, pour moi, est un petit peu problématique, d'une certaine façon, parce que si on dit qu'un territoire est non cédé, c'est implicitement, en tout cas en français ou même en anglais, ça veut dire qu'à quelque part, il existe des territoires cédés. Puis, si tu reconnais qu'il y a des territoires cédés, c'est que tu reconnais que d'une certaine façon, les traités numérotés ont été négociés en toute connaissance de cause, en toute bonne foi, et ont été justement payés. Puis pour moi, il y a les territoires des différentes nations, puis c'est pas une question de cédé ou pas cédé, c'est les territoires des nations. Il y en a qui ont des traités à cause de des circonstances historiques X, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. Mais je pense pas qu'il y ait une hiérarchie dans les territoires des Premières Nations, parce que justement, comme tu le mentionnais, quand tu vas voir les recueils de témoignages des anciens, de ceux qui ont cédé les territoires, qui ont cédé, excusez, qui ont signé les traités numérotés, par exemple, dans leur culture orale, dans leur tradition orale, ils disent tout le temps, nous, on faisait un partage. On acceptait que les colons viennent parce que on avait eu des ententes dans la traite des fourrures, tout ça, puis on voyait que le monde changeait, que, là, t'sais, que c'était un monde en changement. Donc, on acceptait qu'ils viennent, qu'on les aiderait, puis qu'ils nous aideraient. Puis, tu sais, jamais... Puis, de toute façon, comment tu voudrais qu'on aurait cédé le territoire quand que ce territoire-là, on en est les gardiens, on en est responsable, mais tu sais, on a... C'est plus là qu'on rentre en conflit avec les différentes conceptions de la propriété. On dit, ah, les Premières Nations, ils n'ont pas de conception de la propriété. C'est pas vrai. Ils en ont des différentes conceptions de la propriété qui n'est pas celle d'un notaire avec un acte notarié qui dit que de telle borne à telle borne à telle borne à telle borne, ça appartient à telle personne. C'est différent. Mais il y avait quand même la terre. Le territoire était important et c'était pas n'importe qui pouvait aller sur n'importe quel territoire. Par exemple, chez les Wendat, il y avait des lignes de commerce, des routes de commerce. Puis une personne qui ouvrait pour la première fois une route de commerce, c'était comme lui qui ne possédait pas au sens notarié, mais les autres, il fallait qu'ils respectent que c'était lui qui l'avait. Puis son clan qui l'avait ouvert pour les autres, puis que ça permettait au reste de la nation d'en bénéficier. La même chose avec les territoires de trappe, avec il y avait des ça appartenait à un maître de trappe, mais pas territoire, mais le tu sais. Puis si t'allais pas prendre des castors sur le territoire de trappe d'une autre famille, d'un autre clan, ça n'aurait pas été bien vu. Mais si t'étais mal pris, puis tu passais, ben, tu pouvais manger des perdrix, tu pouvais vivre, là, c'était pas une question de vie ou de mort. Mais il fallait que tu reconnaisses quand même, puis t'allais compenser le maître de trappe. Donc, tu sais, tout cet aspect-là, c'est un débat qui, tu sais, c'est un peu comme la question quand les Européens qualifiaient la Terra Nullius, puis qualifiaient les Premières Nations de nomades, etc., dans la conception européenne, un nomade, c'est comme un animal qui se déplace au gré des saisons et des vents et de la pousse des autres animaux. C'était pas ça, le mode de vie. Le mode de vie, les gens allaient dans les territoires l'hiver en famille élargie. Ils revenaient ensemble l'été avec les autres membres des différents clans pour former le village, la communauté, pour posséder à des mariages, pour posséder à des fêtes, des partages, etc., pour des raisons spirituelles. Et c'était un peu comme... c'était deux maisons, là. C'était pas... mais il y avait une logique, tout ça. En tout cas, bref, c'est ça, tout ça pour dire que les différents traités qui ont été... l'incompréhension linguistique, c'était impossible de... on parlait de conception différente de la propriété et tout ça, fait que, tu sais, j'ai juste imaginé que c'était possible pour quelqu'un qui baragounait un petit peu du cri au-delà de Jiboué, un curé, d'être capable d'expliquer toutes les tenailles aboutissantes de ce que ça allait impliquer un traité, puis que là, ils allaient mettre leur... signature en toute connaissance de cause, pour moi c'est inimaginable. Puis même si ça avait été imaginable, on sait maintenant pertinemment, c'est documenté, que les commissaires qui étaient responsables de négocier les traités et de voyager là, dans les communautés, ils promettaient un petit peu n'importe quoi de l'ajouter dans le traité quand il allait être de retour à Ottawa, alors que le traité était déjà écrit, puis imprimé, puis il manquait juste les signatures, puis il est hors de question de rajouter des choses. Fait que, tu sais, le docteur, le professeur John Long, qui a travaillé beaucoup sur le traité neuf, qui a documenté ça d'une façon assez importante, puis il y a d'ailleurs Madame Alanis Obomsawin, qui a fait plusieurs films, qui a fait un film là-dessus, là, ça s'appelle Trick or Treaty. Puis le mot, le titre veut tout dire, mais c'est bien documenté à quel point c'est une